Messieurs, à la déesse de Venise, à Giulietta. Je vous remercie, mon cher poète, et je vous rends votre politesse. Messieurs, à celui qui sera un jour la gloire de l'Allemagne, à Hoffmann. Hoffmann. Vous ne buvez plus, Schlemiel? J'ai mal à la tête. Est-ce qu'il est jaloux? Comme un tigre. Il me semble que vous vous endormez. Qui chante pour nous remettre en belle humeur? Ce sera de moi, si vous voulez bien le permettre. On vous écoute.